Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Claire de Reims et Delphine de Limoges ont émis le souhait d'entendre parler d'Agatha Christie et de son personnage principal, Hercule Poirot. Quelque chose me dit que cela ne devrait pas tellement coûter à Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Vous avez raison, c'est toujours une joie pour moi que de me plonger au cœur de l'histoire et des histoires de la reine du crime. À Londres, il y a un demi-siècle, les nouveaux romans de Dame Agatha sortaient invariablement pour Noël. Vous savez, la publicité disait « Christie for Christmas », qui voulait dire un Christie pour Noël. Eh bien, nous sommes en quelque sorte fidèle à la tradition. Parmi ceux qui connaissent cet univers encore mieux que moi, je vous présente Anne Martinetti. Elle est auteure d'un dictionnaire, Agatha Christie de A à Z aux éditions Télémaque, et je suis très heureux qu'elle ait pu se joindre à nous aujourd'hui. Et puis à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Stanislas sur l'origine des tenues sacerdotales. Oui, et ça aussi cette saison. Pour le moment, nous allons rejoindre Poirot et le capitaine Hastings, ainsi que Miss Marple, qui n'est jamais très loin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. 227 victimes et 158 assassins que l'on retrouve dans quelques 66 romans, 154 nouvelles et 20 pièces de théâtre. Tout cela traduit dans le monde entier en 157 langues et encore, à mon avis, les critiques en ont oublié. Virginia Kelly, au moment de la mort d'Agatha Christie, estimait à plus de 350 millions le nombre d'exemplaires vendus. Et on estime que les romans policiers d'Agatha Christie lui auraient rapporté au total, de son vivant, 10 millions de livres sterling. Tous ces chiffres, pour commencer et pour vous faire prendre la mesure de ce qu'on peut appeler le véritable phénomène Agatha Christie. Il ne faudrait pas croire pourtant qu'elle ait été l'inventeur de ce genre du détective novel, de ce genre du roman d'énigme. François Rivière nous l'avait dit lorsqu'il était venu ici, et je le cite, « L'Angleterre des années 1920 fut le théâtre d'un phénomène littéraire dont le secret me semble être resté de ce côté-ci du Channel parfaitement inviolé. Je veux parler de l'apparition d'une catégorie d'auteurs précieux et discrets, vivant généralement à la campagne ou dans de petites villes, et voués corps et âme aux perverses et insidieuses délices d'une forme de fiction baptisée par eux « détective novel ». Cette forme nouvelle, donc alléchante, ouvrait une telle gamme de possibilités qu'il en devint fascinant aux yeux de plus d'un apprenti romancier. Apprenti romancier, c'est exactement ce qu'a été d'abord Agatha Christie, bien entendu. C'est sa sœur, nous allons voir ça tout à l'heure avec mon invité, c'est sa sœur qui l'a poussé à écrire son premier roman, son premier récit d'énigme. Elle a outrageusement violé une des règles les plus rigides du code édité dans le détective novel, élément révélateur par un ecclésiastique nommé Ronald Knox, la jeune et impétueuse Miss Agatha Christie ayant décidé de faire cavalier seul, avait transformé le narrateur de son roman en auteur du crime, ce qui devait lui valoir les foudres de ses confrères indignés, à l'exception de Miss Dorothy Sayers, il faut le dire, qui a défendu dans cette affaire le nouveau romancier qui était Agatha Christie. Pourquoi Agatha Christie fait-elle comme ça une irruption remarquée sur la scène du roman d'énigme? Eh bien précisément parce qu'elle va systématiquement, à chaque roman, violer une des règles, je dis bien pas deux, une des règles à chaque fois, ce qui lui permet d'être à la fois transgressive, surprenante, inattendue pour ses lecteurs, tout en restant évidemment pour l'essentiel dans le genre classique du roman. Ce qu'on appelle le roman policier, encore une fois je préfère dire roman d'énigme, parce que le roman policier, il va prendre parallèlement aux États-Unis avec le roman noir, en France avec encore une autre forme de roman réaliste, d'autres aspects, d'autres apparences. Là nous sommes bien dans une sorte d'exercice de l'esprit et d'exercice de style à la fois, un genre bien britannique que ce détective novel. Alors, dans Agatha Christie, l'écriture du crime, un ouvrage tout à fait remarquable, Annie Combes nous dit, non que la fiction policière n'ait existé avant elle, mais parce qu'elle est parvenue à la réinventer en faisant du texte et de sa lecture, par-delà cendres de cigarettes et empreintes digitales, les véritables enjeux de son travail. Il est vrai que jusqu'alors on avait un grand enquêteur et un grand auteur. L'enquêteur, c'était Sherlock Holmes, évidemment, et l'enquêteur, c'était Sir Arthur Conan Doyle. Et Conan Doyle avait tendance à insister sur la dimension matérielle des indices. Chez Agatha Christie, l'indice se fait psychologique, et c'est ce qui va donner toute sa dimension, évidemment, à l'œuvre de celle qu'on appellera bientôt la reine du crime. Comment ces récits sont-ils construits? Eh bien, selon quatre axes, essentiellement. La littérature du crime, la fabrique du récit, les répliques et les machines de l'écriture. Ce sont les grands axes qu'avait déterminé Annie Combes dans son ouvrage, à mon avis tout à fait fondateur, au milieu des années 1980. Elle est sans doute celle qui a le mieux percé la structure du récit d'énigmes. Agatha Christie reprend les règles du 19e siècle. D'ailleurs, elle les durcit. Il y aura systématiquement un ou deux, voire éventuellement trois morts, une enquête qui est menée du début à la fin du roman. Parfois, on peut commencer avant l'arrivée de l'enquêteur, bien entendu. C'est le cas d'un roman qui s'appelle Le Vallon, par exemple, dont les deux tiers du récit se passent avant même la mort du personnage. Et puis un assassin et un détective. Elle s'oblige surtout à inscrire dans les lignes, avant le moment de l'explication, les clé de l'énigme, car ce sont bien des romans à clé, alors pas au sens où nous l'entendons, il n'y a pas des personnages réels derrière les personnages de fiction, mais il y a bien constamment des clés qui sont offertes au lecteur, charge à lui évidemment de les trouver, de les attraper au passage. Comment Agatha Christie fabrique-t-elle son récit? Bien, elle utilise toutes sortes de sources d'inspiration, bien entendu. Dans sa longue carrière, nous dit Annie Combes, Agatha Christie a parfois recours à des procédés d'écriture qui la rapprochent d'un Raymond Roussel ou d'un Georges Perec. Là, on parle d'écrivains structuralistes de la fin du XXe siècle. Il lui arrive d'élaborer un livre à partir d'une chanson enfantine en calquant la progression du récit sur la succession des strophes, ou encore, elle bâtit une intrigue sur un nombre, ou elle utilise l'alphabet pour amorcer une série de crimes. C'est le célèbre les ABC Crimes, hein, c'est célèbre, peut-être, sinon son plus célèbre, en tout cas l'un de ses plus célèbres romans. Il y a systématiquement des personnages clés, un détective, une victime, un assassin, que l'on en supprime un et les deux autres n'ont plus de nécessité, nous dit Annie Combes, mais il faut les dissocier du crime pour découvrir les ressources narratives que chacun d'eux possède en propre. Agatha Christie a compris comment écrire une multitude de récits. Elle a eu tendance à dire, peut-être un peu trop souvent d'ailleurs, à un certain nombre d'intervieweurs, qu'elle écrivait toujours le même roman. C'est ce qu'elle fait dire d'ailleurs à l'un de ses personnages, Ariadne Oliver. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a bien, au fond, les mêmes éléments de structure, mais ils sont variés à l'infini. Ça pourrait presque faire penser, sous certains aspects, à l'écriture musicale d'un Jean-Sébastien Bach. Concerto brandebourgeois numéro 3 de Jean-Sébastien Bach sur Europe 1. Dans un court instant, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à votre récit sur Agatha Christie, la romancière. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Retour à la romancière Agatha Christie avec vous, Franck Ferrand. Vous avez bien compris que l'écriture d'Agatha Christie procède d'une véritable combinatoire. À partir d'un certain nombre d'éléments, de structures, de modes narratifs, elle tisse à l'infini, elle brode sur le néant, comme disait Italo Calvino, elle brode des récits sans cesse nouveaux et qui ont pour extraordinaire effet de toujours surprendre les lecteurs. Personnellement, dit Agatha Christie, j'ai toujours trouvé que les histoires d'amour étaient assommantes dans les romans policiers. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'aime pas les histoires d'amour par ailleurs, puisque sous le pseudonyme de Mary Westmacott, elle va écrire un certain nombre de ses récits. Introduire un élément sentimental dans ce qui est un procédé scientifique, c'est aller à contre-courant, expliquait-elle. Cependant, à cette époque, les romans policiers devaient toujours comporter une intrigue sentimentale. Et bien, puisque c'est la loi du genre, elle va instiller gentiment des intrigues sentimentales dans la plupart de ses romans, dans la quasi-totalité d'ailleurs. Et les enquêtes qui sont menées par Miss Marple, de ce point de vue-là, sont particulièrement sentimentales, nettement plus que celles menées par Hercule Poirot, même si Poirot, on s'en rend compte, a en vérité, sous ses dehors extrêmement secs, un véritable cœur d'artichaut. Le procédé d'Agatha Christie est simple. Le coupable doit disparaître sous un certain nombre de rôles. Agatha Christie élabore une grande partie de ses récits à partir des solutions suivantes. Soit le coupable est la victime, soit le coupable est l'assassin, soit le coupable est le détective. Ça, lorsque vous avez compris ça, évidemment, les romans perdent un tout petit peu de leur magie parce que, évidemment, ça obéit à une véritable recette. C'est-à-dire que, à partir de ces trois grands rôles que sont l'enquêteur, l'assassin et puis la victime, bien entendu, qui peuvent être encore une fois multiples en fonction des romans, eh bien le but est d'arriver à les associer deux par deux d'une certaine manière pour renouveler constamment cette intrigue policière. Dans les romans d'Agatha Christie, on recourt assez rarement aux grands artifices habituels que sont la présence de jumeaux, par exemple, ou le meurtre involontaire, à la horreur du meurtre involontaire, puisqu'il faut qu'il soit au contraire systématiquement expliqué. Le meurtre en chambre close. Alors ça existe, évidemment, vous allez toujours trouver dans les différents romans des exemples de ce que je vous dis là. Mais ce n'est pas du tout un recours systématique, et au contraire, elle essaie de s'en abstraire autant que possible. Prenons l'exemple de la pièce close, hein, le fameux mystère de la chambre close qui va donner tant de fil à retordre à un certain Rouletabille de l'autre côté de la Manche. Une pièce dont les murs garantissent une relative sécurité, mais dont l'isolement n'est que partiel. Voilà ce qui plaît à Agatha Christie, nous dit Annie Combes. La porte à tout moment doit pouvoir s'ouvrir sur l'espace extérieur. Et elle nous explique d'ailleurs, Annie Combes, que cette porte est en quelque sorte l'endroit stratégique des romans et que bien des choses s'y passent. C'est une véritable machine à suspicion, dit-elle, les personnages se croisent, s'entrevoient à proximité de la porte fatale et plus tard, ils interpréteront leur déplacement mutuel, d'autant plus suspect que l'accès à la pièce du meurtre n'a jamais été interdit par l'usage d'une clé. Encore une fois, ce n'est pas tout à fait systématique, mais c'est le cas de la plupart des romans. Alors, pour le reste, Agatha Christie ne s'encombre pas tellement de détails et de descriptions. On est dans des ouvrages qui sont essentiellement utiles. Le style d'Agatha Christie est un style essentiellement utilitaire. Alors, ce n'est pas tout à fait l'avis de mon invité. Nous verrons tout à l'heure ce qu'il faut penser de ce style d'Agatha Christie qu'on est peut-être en train de réhabiliter. Pendant très longtemps, on a considéré que c'était globalement une écriture blanche, efficace, dont aucun détail en quelque sorte n'aurait été superflu. Et puis, avec le temps, on a tendance à réhabiliter Agatha Christie en tant qu'écrivain à part entière et on se rend compte que finalement, son style est peut-être plus intéressant qu'on ne l'a souvent dit. Les personnages ne sont généralement brossés que sous forme de silhouettes, disons-le. Je prends le cas de Mort sur le Nil, qui est un des romans de détection les plus célèbres d'Agatha Christie. L'un des personnages, on va prendre les deux, alors faut pas faire de spoil, évidemment il faut pas révéler. Bon, alors je n'en dis pas plus, mais voilà deux personnages, Simon Doyle, d'un côté, qui est décrit comme un grand et solide gaillard aux yeux sombres, à la chevelure brune et bouclée, au menton carré et dont le sourire juvénile éclaire un visage sympathique. Bon, on a donc à peu près l'image globale du personnage, et puis à partir de là, vous n'en saurez pas plus. Et quand il réapparaîtra, vous avez généralement un petit détail. Dans le cas de Simon Doyle, c'est le sourire qui revient presque systématiquement pour rappeler au lecteur à qui il a affaire. Point final. Quant à Lynette Ridgway, personnage féminin très important, sa chevelure d'un blond doré, ses traits réguliers, son corps svelte et harmonieux lui conféraient un genre de beauté plutôt rare, nous dit Agatha Christie. Et vous savez combien, dans les années 50 et 60, cette façon de décrire les personnages a fait sourire un certain nombre de critiques et on s'est mis à faire toutes sortes de parodies, bien entendu, parce que ce sont des formules un peu toutes faites, il faut bien le dire. Lui conféraient un genre de beauté plutôt rare, on a envie de dire, on est couché tôt, ça n'est pas avec ça qu'on va révolutionner la littérature. Quoique, car chez Agatha Christie, la révolution littéraire, moins que dans la forme, se trouve dans le fond. Nous y venons dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à Agatha Christie, la romancière, et à ses personnages. Oui, Delphine voulait nous entendre parler d'Hercule Poirot principalement. Eh bien, nous y arrivons au grand personnage d'Agatha Christie. Alors on parlera tout à l'heure des personnages secondaires parce que, et notamment grâce au cinéma depuis quelques années, ils ont repris un petit peu d'importance. Mais évidemment, les deux stars, ce sont Miss Marple, cette vieille dame de la campagne anglaise, éternelle si je puis dire, et qui, sous ses dehors extrêmement fragiles et discrets, cache le naturel d'un enquêteur féroce. Joyce. Et puis, bien entendu, le plus célèbre personnage de fiction de toute la littérature mondiale, vous imaginez ça, Hercule Poirot, qui est tellement célèbre d'ailleurs qu'il en est presque devenu vivant. Hein, lorsqu'il meurt dans le dernier roman qui s'appelle Curtain, en français Hercule Poirot quitte la scène, on a vu plusieurs journaux, dont le très célèbre New York Times, annoncer la mort du détective, ce qui est absolument incroyable. Le modèle d'Agatha Christie, au départ, c'était un peu Sherlock Holmes, mais elle les a poussés à la caricature et complètement pervertis, évidemment, les traits de personnalité de Holmes. Poirot et Marple, chacun à sa manière, sont des originaux et des oisifs, nous dit Annie Combes, mais ce sont surtout des bavards qui parlent de leur enquête pendant qu'ils la mènent. Hercule Poirot, c'est le héros du tout premier roman. J'imagine que lorsque Agatha Christie a écrit ce premier roman, La mystérieuse affaire Steele, elle ne se doutait pas que son personnage allait la poursuivre pendant toute son existence. D'ailleurs, un peu malgré elle, elle s'en est beaucoup plaint. Elle le trouvait insupportable, très pénible, ce Hercule Poirot. Mais néanmoins, le public en voulait toujours davantage et elle va lui offrir un grand nombre d'énigmes et de récits. La jeune femme a particulièrement été frappée, nous dit François Rivière. À l'époque, on est pendant la Première Guerre mondiale, elle a été frappée par l'apparence assez rigide de la tenue austère, costume sombre et chapeau melon, de ces messieurs entre deux âges qu'étaient les réfugiés belges qui arrivaient donc par poignées dans l'Angleterre en guerre, se promenant à pas compter sur la jetée ou dans les ruelles bordées des shops. Ces messieurs la faisaient sourire, probablement l'ont marqué, et elle va décider de faire de l'un d'eux son héros. Il va devenir sous sa plume un homme, je cite, pompeux, obsédé par la symétrie, vous le savez, très infatué de lui-même et de ses petites cellules grises. Quel âge a Hercule Poirot? Eh bien, bien malin qui peut le dire, parce que, évidemment, si vous respectez ce qui est dit dans les romans et la date de leur publication, vous allez obtenir un personnage qui, dans les derniers romans, aura pas loin de 110-115 ans, ce qui est quand même peu probable. Disons, globalement, qu'au moment de son apparition, donc pendant la Première Guerre mondiale, il est censé avoir, alors selon les auteurs, entre 30 et 50 ans. Voilà, c'est assez vaste, et qu'il va vieillir un petit peu moins vite que nous, puisqu'il a toujours environ 70 ans dans les derniers romans, qui pourtant sont publiés dans les années 1970. Alors, Hercule Poirot, c'est l'enquêteur par excellence. C'est celui qui va d'ailleurs inspirer tellement de personnages, notamment des séries télévisées américaines actuelles, qui s'inspirent presque systématiquement d'Hercule Poirot. C'est incroyable de voir comme ce personnage a pu marquer complètement le genre policier en général. C'est un spectateur avisé de l'univers surcodé qu'il côtoie, nous dit Annie Combes. Mais c'est vrai que le côté un peu excessif du personnage, qui remarque tout, qui note chaque détail, va s'accorder parfaitement à l'univers même des romans. Le roman d'Agatha Christie, qui est un univers complètement saturé de signes, de symboles et d'avertissements en tout genre. Il connaît les règles, il connaît les vérités, il connaît les préjugés, nous dit-elle. C'est vrai que c'est fondamental et qu'une grande partie de l'intrigue des romans est fondée sur ces trois aspects, sur ces trois éléments stables en quelque sorte. Son statut d'étranger lui permet de remarquer les comportements anormaux, l'aberration d'un geste ou d'une conduite, les réticences d'un discours. Il a le regard d'un ethnologue, la modernité du personnage réside dans cette prédilection pour le langage. Poirot analyse ce qu'il entend. Il est le grand analyste des discours, c'est-à-dire des fragments du récit que le lecteur a sous les yeux. Il ne le formule jamais ainsi, au contraire, il en occulte la singularité en prétendant réussir ses enquêtes par l'exercice de la psychologie. Alors, la psychologie dont il est question, et ça nous entraînerait peut-être un peu loin, certains se sont beaucoup amusés, je pense à Bataille ou à Barthes avec cet aspect-là, c'est une psychologie quasi lacanienne. C'est-à-dire que c'est une psychologie des mots et de la formulation. Ça tombe bien, on est dans l'écriture, on est dans la littérature. Donc il est très intéressant que le personnage, le psychologue de l'affaire, celui qui mène l'enquête et celui qui emmène le lecteur par la main, soit un amoureux des mots et du langage. Ça tombe très bien. Voilà le portrait qu'on a d'Hercule Poirot dès le tout premier roman, sous la plume du narrateur qui est le capitaine Hastings, bien entendu. J'ai rencontré un jour en Belgique un inspecteur célèbre qui m'a fasciné. Vous voyez que si c'est un inspecteur célèbre, il faut qu'il ait théoriquement déjà un certain âge. Un petit homme extraordinaire, un véritable dandy doué d'une stupéfiante intelligence. Et plus loin, il écrit, il nous dit « Poirot était un être au physique peu commun ». Malgré son petit mètre 62, il était, alors ça c'est pour une fois on est très précis, il était l'image même de la dignité. Son crâne affectait la forme d'un œuf et il tenait toujours la tête légèrement inclinée d'un côté. Sa moustache cirée lui donnait un air martial, le soin qu'il apportait à sa tenue était absolument incroyable et je pense qu'il eut davantage souffert d'un grain de poussière sur sa veste que d'une blessure par balle. Et c'est un capitaine de l'armée britannique qui nous le dit. Alors, ça c'est Poirot et on va y revenir, bien entendu. Pour ce qui est de Miss Marple, la vieille dame, vous savez, j'allais dire la vieille fille, non, puisqu'après tout elle a été mariée, mais la vieille veuve anglaise dans son village, perdue dans cette campagne... C'est le temps passé, réactivé par le travail de la mémoire. Curieusement, sa méthode d'enquête n'est rien d'autre que la mise en scène des éléments constitutifs de sa création. Ce n'est ni par son aspect physique, ni par son intelligence que Miss Marple acquiert la stature du grand détective. C'est par son âge. Et ça, c'est très intéressant. Et ça nous en dit peut-être plus long sur Agatha Christie elle-même, on va y revenir. L'âge de Miss Marple lui tient lieu, en quelque sorte, sinon de sagesse, du moins de lucidité, de clairvoyance. Je vous dis qu'elle a été mariée, non, puisqu'on dit bien Miss Marple, Mademoiselle Marple. Elle a été fiancée, ce qui est très différent, puisqu'elle a perdu son fiancé pendant la guerre. Bonjour Anne Martinetti. Bonjour. Vous connaissez Agatha Christie sur le bout des doigts. Votre dictionnaire est fourmillant de détails passionnants. Et quand on aime cette œuvre et cet univers, c'est un véritable cadeau de Noël. Ça tombe bien à deux jours du grand moment. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, d'Agatha Christie, avec votre invitée Anne Martinetti, auteur-éditeur, auteur notamment d'Agatha Christie de A à Z aux éditions Télémac. La première encyclopédie Agatha Christie, nous dit le bandeau de ce dictionnaire signé Guillaume Lebeau et Anne Martinetti. Merci d'être avec nous Anne Martinetti. Alors, c'est assez foisonnant comme univers, on pourrait faire des heures et des heures sur le personnage et sur sa création. Revenons peut-être à nos deux héros, si je puis dire, Hercule Poirot et Miss Marple, tellement célèbres, devenus de telles personnalités aux yeux d'un public qui se comptait en millions de lecteurs, qu'il a bien fallu les tuer. Madame Christie ne tenait pas à ce qu'il lui survive, en fait. Elle voulait qu'il meure avant elle, ou en tout cas en même temps. C'est vrai, d'ailleurs, c'est les deux dernières aventures de ces enquêteurs célèbres ont été écrites pendant la Seconde Guerre mondiale et pas du tout à la fin de la vie d'Agatha Christie. Elle les a écrites pendant le Blitz, où elle était à Londres. Elle les a écrites 30 ans avant de mourir, en fait. Absolument, et elle les a enfermées dans un coffre-fort, donnant comme instruction que les deux romans soient publiés après sa mort. Alors, il y en a un qui est publié juste avant et l'autre, très peu de temps après. Il faut les raconter, si je puis dire, ces deux romans, sans entrer dans l'intrigue, évidemment. On va éviter aujourd'hui de révéler à nos auditeurs la solution des grandes énigmes d'Agatha Christie. Mais le premier s'appelle Curtain, hein, donc en français, très mauvais titre, Hercule Poirot quitte la Seine, qui est un très mauvais titre. Mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, souvent, les titres français sont très mauvais. C'est assez intéressant par rapport aux titres anglais qui sont brillants. Je pense que c'est pour des raisons éditoriales, probablement. Nos éditeurs en France sont plus prudents que les éditeurs britanniques. Peut-être, ou bien les titres originaux faisaient davantage référence à des symboles, à des images d'Épinal anglaises et, voilà. Et qui ne permettaient pas d'être adaptées en français. Je sais que les traductions, pour avoir travaillé sur les dernières traductions dans les années 90, ces traductions-là demandaient beaucoup d'ingéniosité. En même temps, vous imaginez si l'éditeur avait accepté de titrer « Rideau », le titre aurait été bien plus fort que Poirot quitte la Seine. Alors, Hercule Poirot est un vieux monsieur et il va retrouver son narrateur dans ce dernier roman. Il va retrouver son narrateur, il va C'est-à-dire le capitaine Hastings, il va retrouver le décor de Styles qui était le décor de sa première aventure. Styles qui est devenu une maison d'hôte alors que c'était quelques décennies auparavant un château, quasiment un manoir en tout cas qui appartenait à Mrs. Inglethorpe. Et donc Poirot est dans une chaise roulante en triste état, bien plus triste état que Miss Marple, et on peut peut-être en déduire là que Agatha Christie s'est un petit peu vengée de cette exaspération qu'elle avait de son personnage moustachu, c'est-à-dire que lui meurt, il meurt tandis que Miss Marple ne meurt pas du tout. Miss Marple pourrait parfaitement revenir et continuer à mener l'enquête. Elle prend elle est au bord de mer dans la dernière énigme et elle est en parfaite santé. C'est la grande mode d'ailleurs de vouloir écrire de nouveau Marple et de nouveau Poirot aussi d'ailleurs. Même s'il est mort, certains ne s'en privent pas. On en attend un pour très bientôt, là. Il est paru, en fait, au mois de septembre, un Poirot qui a été écrit par Sophie Sophie Anna, qui est une auteure très connue en Grande-Bretagne, et qui met en scène un Poirot que les aficionados de Poirot ne reconnaîtront peut-être pas parfaitement, qui mange dans des take-away et qui réside dans une pension de famille où tout n'est pas rigoureusement carré. Oula, c'est assez bizarre. C'est un Poirot moderne. Oui, voilà. Elle nous l'a modernisé, dépoussiéré et peut-être un peu tué au passage. C'est peut-être ça la véritable mort de Poirot. Il a toujours des moustaches. Oui. Alors, Agatha Christie s'est lancée dans l'écriture encore toute jeune, après avoir subi le traumatisme de la Première Guerre mondiale. Il faut dire quand même qu'elle est d'un très bon milieu et qu'elle a eu une enfance et une jeunesse assez douillette. Elle a eu une jeunesse assez douillette jusqu'à l'âge de 11 ans, âge auquel elle perd son père et qui va, ça va donc complètement transformer son mode de vie et sa vie quotidienne, puisque dans ses premières années, elle vit effectivement, elle raconte qu'elle a eu une enfance très heureuse et elle raconte aussi dans son autobiographie, qui est un ouvrage exceptionnel, que ses premières années ont été vraiment idylliques. Elle avait donc un frère et une sœur plus âgés qu'elle d'une dizaine d'années et elle vit entre son père et sa mère qui s'occupe de son éducation avec différents précepteurs durant ses premières années et qui lui fait énormément la lecture. Donc vous évoquiez Sherlock Holmes, Agatha Christie a quasiment appris à lire avec le chien des Baskerville. Oui, c'est ça, elle était dans cet univers-là déjà. Elle a eu une mère qui a joué un rôle essentiel. Vous nous dites qu'elle perd son père à 11 ans, elle l'adorait ce père. Elle adorait ce père qui avait inventé une comptine. Alors, comptine, on va retrouver énormément de comptines au long des romans et des nouvelles. Et donc, c'était un petit peu la figure paternelle par excellence. Elle était la petite dernière, donc bénéficiant d'un potentiel d'affection bien supérieur aux aînés qui avaient, eux, des exigences d'éducation, notamment pour le garçon Monty. Tandis qu'Agatha, on ne lui demandait pas quoi que ce soit au niveau des performances. Et donc, c'était que du bonheur. Elle connaît les pensions britannique. Alors elle va être mise en pension à Paris en réalité. C'est à Paris qu'elle fait ça. C'est à Paris. Elle va vivre avec sa mère de 11 ans à 16 ans à peu près et donc avoir une éducation encore une fois essentiellement passant par les livres, passant par les voyages et elle va jusqu'en Égypte d'ailleurs. Jusqu'en Égypte, voilà où elle fera son entrée dans le monde qui était un rituel pour les jeunes filles de bonne famille. Une Égypte avec... totalement anglicisée, hein, il faut le dire. On est dans cette époque coloniale bien entendu. Absolument, donc avec des bals toutes les semaines où il faut choisir une robe. Elle dit elle-même qu'elle n'est absolument pas intéressée par la visite des pyramides. Et donc c'est une vie essentiellement mondaine et elle va vivre avec sa mère jusqu'à ce que sa mère décide que son éducation doit être perfectionnée et la mettre donc en pension à Paris, où elle va notamment découvrir la pâtisserie qui s'appelle le Paris-Brest, dont elle est absolument friande. Alors comme beaucoup de personnes de sa génération, c'est la guerre qui va faire totalement basculer sa vie. Alors on peut dire, elle, dans tous les domaines, c'est assez extraordinaire ce qui se passe. D'abord, elle est, comme beaucoup de jeunes filles anglaises de la bonne société, elle est infirmière volontaire. Absolument, elle est infirmière volontaire. On s'aperçoit assez vite que c'est une excellente infirmière, c'est-à-dire qu'elle n'est absolument pas impressionnable. Et donc, c'est elle notamment, petit détail assez macabre, qui est chargée d'emmener les membres amputés à l'incinérateur, car toutes les autres infirmières s'évanouissent face à cette mission. Et elle va se spécialiser dans les poisons, évidemment, ce qui va être très très utile ensuite pour sa carrière d'écrivain. Et c'est là qu'elle commence à élaborer sa première énigme. Sa sœur la pousse, en fait. Ça, c'est assez joli comme histoire. C'est vrai, sa sœur la pousse, lui dit « tu ne serais pas capable d'écrire un roman policier » puisque c'est sa sœur, au départ, qui est censée être l'écrivain de la famille. Sa sœur, d'ailleurs, écrira une pièce de théâtre qui sera jouée et différents écrits, des nouvelles et d'autres scénettes. Enfin, elle avait un talent de plume. Peut-être que c'est un talent familial, au final, puisque sa mère était extrêmement lettrée aussi. Et donc, c'est sa sœur qui va lui dire « tu ne serais pas capable de... » Donc elle va relever le défi. Alors si je puis dire, elle devient adulte pendant la guerre, elle écrit son premier roman qui va avoir le succès extraordinaire qu'on sait. Il est d'abord publié aux États-Unis d'ailleurs, c'est assez bizarre. Alors, ça. Il est publié donc d'abord en Angleterre, mais très rapidement il est publié aux États-Unis dans une version qui sera légèrement différente. Voilà, c'est ça, oui. Mais après certaines nouvelles vont être publiées en premier aux États-Unis et elle aura toujours ce souci qui va devenir assez rapidement ennuyeux pour elle, qui n'est pas du tout passionnée par les tâches administratives, de cette double imposition, être imposée aux États-Unis et en Angleterre, va lui poser un certain nombre de problèmes. Le fisc américain va lui réclamer beaucoup d'argent. Oui, parce qu'elle va très vite en gagner beaucoup d'argent. Et puis, elle trouve son mari aussi pendant la guerre. Enfin, absolument. Celui qui va lui donner son nom, en tout cas. Voilà, l'aviateur Archibald Christie, qui est un jeune homme très séduisant, c'est un jeune couple très aventureux. Il se voit lors des permissions d'Archibald. Lui, fait la guerre en avion, donc au-dessus de la France. Ils ne savent jamais s'ils vont se revoir à chaque visite. Et donc, ils décident de se marier de manière extrêmement rapide et sans attendre la fin de la guerre. Donc, ils se marient lors d'une des permissions d'Archibald Christie en recrutant un témoin dans la rue. Oui. C'est son caractère original va se retrouver, et c'est ça qui est passionnant chez Agatha Christie. On a souvent l'image d'une dame entre deux âges. Passer, oui. Voilà, très mais anglaise, très ça, traditionnelle. Oui, oui. Elle a une vie extrêmement aventureuse et sa vie est faite de décisions indépendantes et d'aventures. Ça va pas durer longtemps le couple, hein, puisqu'ils ne tarderont pas à divorcer. Alors ça dure presque une dizaine d'années quand même, oui. Jusqu'en 1926. Ils auront une fille, Rosaline, qui sera donc la fille unique d'Agatha Christie. Et là, le couple, effectivement, bat de l'aile. Archibald lui annonce qu'il a rencontré une autre femme et qu'il veut divorcer. Elle réagit d'une manière dont on peut peut-être parler, qui est sa fameuse disparition. Je pense que tout le monde a entendu parler de ça, parce que c'est l'événement de la vie d'Agatha Christie qui reste mystérieux à l'heure où nous parlons. C'est pas tout à fait exactement ce qui s'est passé. En tout cas, elle va disparaître complètement. Ça va faire la une des journaux, bien entendu. 1926, elle est déjà une célébrité à l'époque. Elle est déjà une célébrité montante. Et elle va devenir une très grande célébrité grâce à ça. Voilà, le côté qu'elle n'avait peut-être pas prévu, ou bien l'a-t-elle prévu, et dans ce cas-là, ce serait effectivement ce que certains auteurs ont appelé un coup de publicité génial. Eh bien, elle disparaît, elle prend sa voiture un soir de décembre, elle la laisse sur le bas-côté à une heure environ de route, avec son manteau, avec son permis de conduire, et elle disparaît pendant 10 jours, ce qui fait qu'on demande à Archibald Christie pourquoi diable a-t-il assassiné sa femme. Ah oui, ça va faire la une des journaux. On entre dans le roman d'une certaine manière. Exactement. Finalement, on la retrouve et elle va plaider l'amnésie, c'est ça, Lily ? Elle va plaider l'amnésie, un choc nerveux dû à tous les événements. Elle a perdu sa mère également quelques mois plus tôt. Il y a ce divorce qui trouver sa conclusion donc l'année suivante. Et elle plaide, donc la famille dira pendant plusieurs années qu'elle ne se souvient de rien. Alors bientôt, pour se changer les idées d'une certaine manière, on va la voir partir pour l'Orient, pour les champs de fouilles, où elle va d'ailleurs rencontrer son nouveau mari. Nous y venons dans un instant. Je tiens à préciser que toute cette histoire d'Agatha Christie vient d'être mise en scène par les réalisateurs et par les scénaristes de la série Poirot, hein, la série télévisée, et que c'est David Suchet, dans un bonus du dernier coffret, hein, c'est la 13e saison, c'est David Suchet qui mène l'enquête et qui nous emmène sur tous les lieux qu'a connu et où a vécu Agatha Christie. Ce que vous avez fait vous-même, d'ailleurs. Ce que j'ai fait moi-même jusqu'à Hawaï, oui, où j'ai fait du surf comme elle sur la plage de Honolulu. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. De la série télé Hercule Poirot sur Europe 1, l'un des héros d'Agatha Christie dont vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, avec votre invité Anne Martinetti, éditeur et auteur d'Agatha Christie de A à Z aux éditions Télémaque. La question qui se pose, Anne Martinetti, lorsqu'on feuillette votre ouvrage, c'est de savoir mais où avez-vous trouvé tous ces petits détails, ce qui constitue l'incroyable tissu de ce dictionnaire ? Alors, il faut remonter à ma propre enfance. Ce serait peut-être un petit peu long. Mais disons que Agatha Christie est depuis toujours mon écrivain préféré. On m'en a offert un pour mon anniversaire lorsque j'avais 11 ans et j'ai tout de suite trouvé ça extraordinaire. Donc, je les ai tous lus, relus et j'ai eu la chance ensuite, conduite par cette passion, d'intégrer les éditions du Masque. Puisque j'avais travaillé en université sur la littérature policière et les auteurs de romans policiers. Donc, vous étiez dans votre univers, là, évidemment. Totalement. Et j'ai eu la chance de travailler sur les dernières traductions qui étaient la collection des intégrales du Masque. Donc de corriger les textes, de les retravailler, de relire les traductions. C'est un travail qui était à la fois un plaisir et puis quelque chose d'extrêmement précis. Ce qu'il faut dire, c'est qu'une traduction d'Agatha Christie, c'est pas comme n'importe quelle traduction. Je fais référence à ce que je disais au tout début de l'émission. On est dans une écriture quasiment horlogère. Le moindre élément, la moindre virgule peut être un indice. indices pour le lecteur et donc il faut arriver à transcrire ça, à le transposer dans une autre langue, ce qui souvent pose des problèmes quasi insurmontables, il faut dire. C'est vrai pour Agatha, c'est vrai pour toute la littérature policière. Un personnage qui est sorti de la pièce et qui se met à parler à la page suivante pose toujours des problèmes. Et lorsqu'on est auteur, on n'est pas toujours vigilant. On a à cœur de raconter son histoire de la manière la plus efficace possible. Si le personnage vous est utile alors qu'il vient de sortir de la pièce, on va l'utiliser sans aucune vergogne. Donc Agatha Christie ne fait pas exception à cette règle-là. Et donc les éditeurs de l'époque, qui étaient Michel Averland et Hélène Amalric, ont eu énormément de travail pour rendre un texte qui soit à la fois fidèle, qui soit à la fois modernisé et puis qui s'adapte en quelque sorte à l'époque dans laquelle ils allaient être lus. Alors, arrive, nous en étions, comment dire, au chapitre le plus solaire et le plus magnifique de la vie d'Agatha Christie, c'est cette grande période archéologique d'une certaine manière, puisqu'elle va se passionner pour les fouilles, pour les civilisations anciennes. On la voit beaucoup en Irak, en Syrie, en Égypte, enfin un peu partout, sur le pourtour de la Méditerranée, partout où l'on fouille. C'est là qu'elle va faire la connaissance de son deuxième mari, qui est nettement plus jeune qu'elle, du reste. Oui, tout à fait, c'est un autre aspect très moderne de la vie d'Agatha Christie. Son mari a 15 ans de moins qu'elle et elle l'a rencontré en partant sur un coup de tête alors qu'elle avait un voyage prévu aux Antilles à Bagdad avec l'Orient Express toute seule, ce qui pour l'époque représente un petit peu un défi à la société. Et elle est hébergée donc auprès d'un champ de fouilles par Léonard et Catherine Woolley. Et donc elle va se passionner pour ses fouilles, pour cette recherche du passé, et elle va être guidée en l'occurrence et puis on va dire sa culture va s'enrichir grâce à Max Mallowan, qui est assistant, lui, de Léonard Woolley sur des fouilles, donc en Syrie et en Irak. Et elle va, pendant plus d'une dizaine d'années, aller la moitié de l'année, en fait, vivre sur les champs de fouilles. Elle le raconte avec une drôlerie dans un livre qui est reparu récemment sous le titre « La romancière et l'archéologue ». Mais le titre d'origine, c'est « Dites-moi comment vous vivez », et qui est une sorte de journal de voyage avec un humour incroyable. Elle raconte que les conditions de confort étaient totalement inexistantes, qu'il y avait des punaises dans les lits, qu'il était impossible, que son grand défi était de trouver une table qui ne soit pas bancale pour y poser sa machine à écrire. Qui ne la quitte jamais, évidemment. Qui ne la quitte jamais. Elle écrit à la machine, mais en revanche, elle note toutes ses idées sur des cahiers qu'on possède encore. Son petit-fils les montrait justement dans le film dont je parle, et où figurent un peu en désordre toutes les idées, toutes les amorces d'intrigues possibles et imaginables. C'est une mine, évidemment. Toute l'œuvre est là en gestation. L'œuvre est là entre la liste des courses et le fait de passer chez le blanchisseur pour chercher des vestes. Et ces carnets ont été brillamment expurgés et publiés. Ce sont les carnets d'Agatha Christie par John Curran, qui est un universitaire spécialiste d'Agatha Christie. Et ça a été publié aux éditions du Masque il y a quelques années. C'est extraordinaire de voir à quel point cette œuvre est devenue un véritable sujet d'étude. Il y a presque des départements en littérature qui sont consacrés à cette œuvre d'Agatha Christie. C'est devenu un phénomène tout à fait inouï quand même. Un véritable écrivain, au même titre que les grands écrivains classiques, au même titre que James Joyce et d'autres auteurs britanniques ou irlandais de grande qualité. Alors, Agatha Christie donne naissance à tous ses livres. J'ai oublié de dire qu'elle avait donné naissance à un enfant. Il faut peut-être parler de Rosaline, de sa fille. De sa fille, Rosaline X, qui est donc devenue son unique héritière et qui a vécu à Greenway. Rosaline joue dans la vie d'Agatha, si l'on se fie à l'autobiographie, le rôle de l'adulte raisonnable. Et ça, c'est assez amusant parce qu'on s'aperçoit dans les enfants qu'Agatha Christie met en scène dans les romans qu'ils sont toujours soit des révélateurs d'événements dramatiques, ils peuvent aussi devenir victime. Et dans un des romans préférés d'Agatha qui s'appelle La Maison Biscornue, démarre dans les premières lignes par une jeune fille, une petite fille, Joséphine, qui dit « Aujourd'hui, j'ai tué grand-père ». Ça n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, mais néanmoins, les enfants étaient des personnages pour Agatha Christie et elle considère sa fille avec un grand respect. On a l'impression qu'elle ne l'a jamais vraiment considérée comme une enfant parce qu'elle a toujours trouvé que Rosaline était beaucoup plus raisonnable qu'elle-même. Mais elle n'était pas vraiment maternelle, il faut bien dire ce qui est. Elle, beaucoup moins que mère, elle est d'abord amante, si je puis dire, et surtout, elle a cette espèce de côté très fleur bleue qui va apparaître dans ses romans sentimentaux, parce qu'elle en a écrit aussi sous pseudonyme. C'est vrai, ce sont les romans qui sont parus sous le titre Mary Westmacott. Mais je ne suis pas tout à fait convaincue par l'aspect sentimental des choses. Ce sont des romans plutôt extrêmement cruels qui donnent à voir en fait l'impossible complicité entre les hommes et les femmes. Et ce sont plutôt des romans très anglais dans leur lucidité, dans leur... Un peu désespéré. Un peu désespéré, mais en même temps, la vie peut aussi se vivre sans hommes. C'est un petit peu ce que nous disent ces romans-là. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'Agatha Christie a voulu montrer dans sa vie. Elle a eu des maris, mais elle était aussi parfaitement indépendante et autonome. Et puisque nous sommes dans les marges de cette œuvre christienne, il faut dire un mot de tous les autres personnages en dehors d'Hercule Poirot et de Miss Marple. Il y a d'autres enquêteurs, dont certains sont très rigolos d'ailleurs, il faut le dire. Voilà, donc le couple idéal, selon Agatha, c'est Tommy et Tuppence Beresford. Et eux incarnent vraiment un couple qui va vivre, donc, puisque le dernier qui les met en scène, le cheval à bascule, les montre tout à fait vieillissants, mais toujours aussi entier, toujours aussi frondeur. Tommy craint toujours pour sa femme qui est... Anglais jusqu'au bout des ongles. Lui, anglais, voilà, jusqu'au bout des ongles. Elle, extrêmement insolente envers la vie, demandant un cocktail au retour d'un enterrement, étant toujours sur la brèche pour trouver des intrigues et des mystères partout où il y en a. C'est une sorte de Miss Marple qui se serait mariée et qui est vraiment prête à risquer sa vie, puisque dans Le Cheval à bascule, elle fait quand même l'objet de 3 tentatives d'assassinat. On peut se demander s'il n'y a pas un peu d'Agatha Christie dans tous ces personnages, hein, évidemment. On ne sait pas grand-chose de dame Agatha Christie dans les années 60-70, quand elle vieillit. Elle vit retirée dans sa très belle maison, il faut dire un mot évidemment de cette demeure. Célèbre. Alors, Agatha Christie avait une passion pour les maisons. Elle a eu jusqu'à 11 maisons à la fois. Et elle dit que c'est une sorte de résurgence de son enfance où elle avait une maison de poupée et qu'elle a continué à jouer à la maison de poupée, qu'elle a continué à meubler des maisons. Donc elle a effectivement une très belle maison à Greenway qui maintenant se visite, qui a été ouverte au public, qui est extrêmement émouvante. On y voit sa chambre à coucher, on y voit son dressing, sa machine à écrire. Donc pour tous les fans, je pense que c'est un pèlerinage indispensable. Et elle vit la plupart du temps à Wallingford, donc à une heure de Londres environ, Greenway étant la maison de vacances où elle reçoit toute sa famille et donc il y a de très très belles photos de réunions familiales. Il est impossible d'évoquer tous les aspects de cette vie et de cette œuvre. Le meilleur moyen, c'est de renvoyer nos auditeurs à votre ouvrage, Agatha Christie de A à Z, ce dictionnaire écrit avec Guillaume Lebeau. Un mot peut-être de l'auteur de théâtre, parce que Agatha Christie de son vivant a été connue presque autant comme auteur de théâtre et de pièces radiophoniques aussi que comme auteur de romans, il faut le dire. C'est vrai et d'ailleurs ça se ressent vraiment dans les romans. Elle a un génie du dialogue. Vous évoquiez tout à l'heure son écriture et je pense que la grande modernité ce sont les dialogues entre les personnages qui pourraient, chaque roman pourrait être une pièce de théâtre et elle est notamment l'auteur de la pièce qui a tenu l'affiche le plus longtemps, donc incroyable. 60 ans sans interruption, La Souricière, dont la fin ne doit jamais être dévoilée bien entendu, et qui est une pièce à la fois extrêmement drôle, dans laquelle évidemment on meurt beaucoup, et qui est une sorte de synthèse de toute son œuvre avec des personnages archétypaux, un colonel à la retraite, une vieille fille grognonne et toutes sortes de personnages très très amusants. On sait que l'actuelle souveraine, la reine Elisabeth II, est très passionnée d'Agatha Christie. Elle a eu l'occasion de la rencontrer à plusieurs reprises, il faut le dire. Elle a dîné avec la reine et c'était son rêve de petite fille. Donc elle a dit que les plus beaux jours de sa vie étaient la naissance de sa fille et d'avoir dîné avec la reine. Et bien voilà, ce qui fait d'elle finalement un sujet britannique presque comme un autre. Merci beaucoup Anne Martinetti. Merci. Dans un court instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Stanislas sur l'origine des tenues sacerdotales. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Stanislas. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission et il aimerait connaître l'origine des tenues sacerdotales. Voilà un sujet qu'on n'aborde jamais, mais après tout, Stanislas a raison de poser la question. Tout cet ensemble de vêtements, de coiffes, d'ornements qui sont utilisés dans la liturgie catholique s'appelle la paramintique. Et la plupart de ces vêtements liturgiques ont leur origine dans l'Empire romain. Alors, d'abord, à l'origine, le vêtement chrétien de base, c'est l'aube qui est de couleur blanche, comme son nom l'indique. Une aube attestée dès l'Antiquité qui trouve son origine dans la tunique portée par les Romains et réservée réservée à ceux qui occupent à l'époque une charge publique. Dans le Nouveau Testament, la blancheur symbolise la résurrection. L'aube convient donc au nouveau baptisé, au premier communiant, à la mariée, etc. Et cette aube marque la joie, l'entrée dans un monde nouveau. Alors sur l'aube vient se placer l'étole, du grec stolé, c'est le vêtement de dessus. Là encore, c'est un vêtement antique, notamment, on le voit beaucoup sur toutes les marches orientales de l'Empire romain, c'est une sorte de petite cape, si vous voulez, hein. C'est un scapulaire, souvent de luxe d'ailleurs, et qui devient progressivement un insigne. L'étole est portée par les évêques, les prêtres et les diacres. Vient la chasuble, qui d'abord a été un manteau d'hiver ou de voyage dans l'Antiquité, et qui, aux alentours du 3e, 4e siècle, devient un vêtement d'apparat remplaçant la toge. On l'appelle casula, la petite maison, parce que comme ça s'enfilait par la tête et que c'était assez opulent, ça devenait comme une sorte de petite maison pour celui qui la porte. Pendant longtemps, la chasuble a été portée par tous les clercs. Aujourd'hui, elle est le vêtement habituel du prêtre qui célèbre la messe. Les diacres portent quant à eux ce qu'on appelle la dalmatique, qui est un vêtement originaire de Dalmatie, comme son nom l'indique, et les sous-diacres en restent à la tunique. Vient ensuite le manteau qu'on appelle la chape, sans manches mais avec un capuchon, que le prêtre et les ministres du culte portent lors de certains offices solennels en dehors de la messe. Au Xe siècle déjà, les inventaires des cathédrales et des monastères montrent que l'on porte très régulièrement cette chape. Et puis, il ne faudrait pas oublier bien sûr la soutane, qui est une dérive de la toge romaine. La soutane est noire pour les prêtres, sauf pour les ordres religieux. Elle est violette pour les évêques, elle est rouge pour les cardinaux, blanche pour le pape évidemment. Elle vient un peu plus tard, cette soutane. Vous savez qu'elle distinguait les prêtres pendant très longtemps. Monsieur le curé portait la soutane autrefois. Depuis 1962, le port de cette soutane n'est plus obligatoire pour les prêtres et assez rares sont ceux qui aujourd'hui la portent.